La classique, hein. VDS Music. Le dicton dit, d'où vient ta pointe, qui sait t'attendre. Moi je dis que rester dans ton coin, reviendrai à viser ta tempe. J'ai mis du temps à comprendre, avant le mauvais profil j'avais. Croire le contraire serait navrant, bien mal acquis, ne profite jamais. Je fais juste mon truc avec mes gars, je veux pas être l'aîné de ce rap game. Rien ne change l'oseille et les médias sont toujours les nerfs de la guerre. L'impression d'être à cran, ton objectif depuis môme c'est t'en remettre. Alors tu roules des connectifs, tu dis au grand mot l'écran remettre. Ça sert à rien de faire part de nos complaintes dans des petites rencontres. C'est bien dans ce monde dans lequel on vit, faut que les grands esprits se rendent compte. Et pour ma part j'avance, même le cœur blessé. En gros t'as ceux qui essaient, puis y'a ceux qui glandent. La chance sourit aux audacieux. C'est quand je vois les magouilles de l'état, je sais que les arbres cachent la forêt. Sans rire, ça vous étonne encore qu'on les obéisse, cache à vos règles. Bienvenue dans ce monde, ça y est, je crois que t'as compris. Pas d'ennemis, discours. C'est bien les mots, mais un acte accompli vaut mieux que mille discours. Pour ceux qui ont voulu tricher, pour ceux dehors, grand ceux qui brillent. Malgré tous tes signes de richesse, tout n'est pas hors dans ceux qui brillent. Y'a eu des manifs, des émeutes, mais rien n'y fait, non pas de changement. Sans une défaite, sache-le. Même le pain devient cher quand l'argent manque. Minot, j'ai brassé. Pas pour se nourrir, on savait à peine vent. Même si je sais que regretter le passé, c'est courir après le vent. Un bail que je vois que faire du fric, c'est ce que les gens du peur aveugle. T'as tout vu du fric, mais les yeux ne servent à rien. Un cœur aveugle, c'est vrai, je suis encore peu connu. Comme le côté dark de Jamel. C'est la première fois que tu m'écoutes, vaut au mieux vaut tard que jamais. Y'a des trucs que je te dis pas, c'est pour ne pas que ça choque. Chute, la vraie gloire c'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. J'fais des concerts pour des assos, bonne c'est pourri les miens milliers. Préfère essuyer les larmes d'un pauvre que faire sourire plein de mini. C'est triste, partirait sûrement à cause des joints que gens qui les répètent. Rien ne manque aux funérailles des riches, juste des gens qui les regrettent. Pour des histoires de fierté, j'ai vu le danger, la terre. C'est plus facile de déplacer un fleuve que changer de caractère. Et frère, j'espère avoir réglé mes bugs avant qu'ils m'enterrent. J'éclaire les miens sans savoir, un aveugle avec une lanterne. Personne ne gagne au final si t'es proche ou si mes proches y'all. Tu veux te venger de tes ennemis, deviens un homme irréprochable. Moi du fric sale, on devrait être plein de toutes les prods qu'on avale ça. Mais bon, quand l'argent tombe du ciel, les malchanceux, eux n'ont pas de sac. On a connu la poisse hibernée, mais nos vies c'est pas goré. Tous mes rapaces préfèrent la liberté plutôt qu'une cage dorée. Non, je rentrerai pas la prod cousse avant de l'avoir fumé, car on vend pas la peau de l'ours. Je rentrerai pas la prod cousse avant de l'avoir fumé, car on vend pas la peau de l'ours.